Jeep et soldat. Dan Valdez, le sang de Jaja. Pour tous les sœurs et les frères dans la place là. Hey, avec les love, toujours avec l'amour, on fait des grandes choses. Et à main, pas besoin de grands discours. Solidarité. Hey, pour tous les militants. Mais où est donc passé le love? Mais où est donc passé l'amour? Trop pris dans ce système, on le recherche à chaque carrefour. Certaines journées passent comme des vies entières. Pas de retour, tu peux perdre beaucoup si tu prends le mauvais détour. Si vite que finalement peu de monde se trouvera là pour ton retour. Encore moins pour te relever, plutôt des curieux, des vautours. Crois en toi, perds pas espoir, même si il paraît court. Aucune église, aucune mosquée, aucune religion, juste l'amour. Aux armes militants, pour l'amour il est un. Babylone, je ne supporte plus ton mal dès à présent. Hey, hey. Aux armes militants, pour l'amour il est un. Babylone, je ne supporte plus ton mal maintenant. Ça se bat dans tous les sens aujourd'hui pour seulement des beaux discours. Ils veulent le pouvoir et la paix en passant par le chemin le plus court. Avec oppression et violence comme premier secours, je vois sans cesse tes visages en larmes. Je sens que je vais être à court. Ça explose au fond de moi, je m'accroche pourtant à mon parcours. Merci Jaja pour ta patience, ta pitié. Oui, ton amour qui m'empêche de péter les plombs. Et mon gros frère et sœur retour. Si ça ne tenait qu'à moi, je voterai pour une dictature d'amour. Aux armes militants, pour l'amour il est un. Babylone, je ne supporte plus ton mal dès à présent. Hey, hey. Aux armes militants, pour l'amour il est un. Babylone, je ne supporte plus ton mal maintenant. Mais que fait le système pour les gens qui dorment dehors? Mais que fait le système pour les gens qui souffrent encore? On prend le mic pour plus de cœur, plus de calor. C'est un vrai militant, n'aie pas peur, dis le plus fort. Mais que fait le système pour les gens qui dorment dehors? Mais que fait le système pour les gens qui souffrent encore? Il est temps de s'unir même si ils ne sont pas d'accord. Il faut leur montrer que le feu brûle encore. Hey, solidarity. Aux armes militants, pour l'amour il est un. Babylone, je ne supporte plus ton mal dès à présent. Hey, hey. Aux armes militants, pour l'amour il est un. Babylone, je ne supporte plus ton mal maintenant. Yes, massive. Pour tous les sœurs et les frères dans la place là. Pour tous les soldats, les militants. Toutes les associations qui militent pour tous les gens qui n'ont rien. Tous ceux qui supportent leur famille, leurs frères, leurs sœurs quand ça ne va pas. Yeah, massive, solidarity. Tout le temps.